إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue إن شاء الله la deuxième partie des فوائد des bienfaits des bonnes idées que les savants ont retiré de sourate Yusuf, qui concerne le prophète Yusuf, alayhi salatu wassalam. Et on en était lorsque les frères de Yusuf, alayhi salatu wassalam, ont mentionné « وَإِذْ قَالُوا لَا يُوسُفْ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُثْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ » Et quand les frères de Yusuf dirent, Yusuf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident, dans un égarement évident. On a vu que les frères de Yusuf, ces frères-là en tout, ils étaient 12, avec Yusuf compris. Yusuf était l'avant-dernier, le dernier étant Benyamin. Or, Benyamin, lui, il était à part. Parce qu'il était toujours avec Yusuf, alayhi salatu wassalam. Et on a bien vu que ses 10 frères, hein, qui étaient au-dessus de lui, ont ressenti de la jalousie. Pourquoi? Parce que Yaqub, alayhi salatu wassalam, avait cet amour qui était spécifique à Yusuf. Pourquoi? Parce qu'il avait une chose que les autres n'allaient pas avoir, c'est al-nubuwwah, c'est le fait d'être prophète. Puisque Yusuf, qui est prophète lui-même, est fils d'un prophète qui est Yaqub, qui est fils d'un prophète qui est Israq, qui est fils d'un prophète qui est Ibrahim, alayhim salatu wassalam. Et il avait cette spécificité par rapport à ses frères, et ce côté plus affectueux par rapport à son père qui est Yaqub. Or ici, les frères de Yusuf, comme on a dit, et Yaqub, alayhi salatu wassalam, a bien remarqué ça chez ses frères, chez les frères de Yusuf, donc chez ses autres fils, al-hasad, cette jalousie. Puis après lui avoir mentionné que, hein, de faire attention car le diable, yani c'est Shaitan qui est derrière cette chose-là. Derrière toute jalousie, il y a un diable qui lui-même fut jaloux, Iblis, qui fut jaloux de Adam, alayhi salat wa salam, comme on l'a vu précédemment dans le cours précédent. طيب. Donc ici les frères de Yusuf, qu'est-ce qu'ils disent? أحبوا إلى أبينا منا. Yusuf ou Benyamin sont plus aimés auprès de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe fort. Yaqub alayhi salat wa salam, si il préfère Yusuf alayhi salat wa salam à ses autres frères, c'est que Yaqub a raison dans ce qu'il fait. Le fait d'avoir plus d'amour pour Yusuf plutôt qu'à ses autres frères. Or, ses autres frères, c'est quoi leur argument? Nous sommes un groupe bien fort. Il y a la preuve ici que ce n'est pas le groupe qui fait la vérité. Il y a la preuve ici que ce n'est pas le groupe qui fait la vérité. Car Youssouf alayhi salatu wassalam, à lui tout seul, est meilleur que ses 11 frères réunis. Est meilleur que ses 11 frères réunis. Indallahi azza wa jal. Pourquoi? Parce qu'il est un prophète d'Allah. Parce qu'il est un prophète d'Allah. Or, ses 11 frères, ses 10 frères au-dessus, hein, qui sont ses aînés, qui ont cette jalousie envers Youssouf, ne sont pas mieux que Youssouf. Ne sont pas mieux que Youssouf. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Nubuwa. Ils n'ont pas ce titre de prophète auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas titres, ils n'ont pas le titre de prophète, même si certains savants les auraient considérés comme étant des prophètes. Donc ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà mentionné dans beaucoup de hadith, lorsqu'il mentionne que Yom al-Qiyamah, un prophète viendra, chaque prophète viendra avec sa communauté. Un prophète viendra avec une communauté très nombreuse. Un viendra entre 3 et 9 personnes. Un autre viendra avec 3 personnes. Un autre viendra tout seul. Or, tous les prophètes sont dans la vérité. Tous les prophètes représentent la vérité. Or, il y a un prophète qui viendra tout seul. Est-ce que c'est le nombre qui fait la vérité? Non. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça, ou tout le monde croit ça, ou tout le monde dit ça, que c'est la vérité. La preuve, elle est là-dedans. Un prophète viendra tout seul, Yom al-Qiyamah. Pourquoi? Parce que personne ne l'a suivi. Si personne ne l'a suivi, c'est que personne n'a suivi la vérité à ce moment-là. Et il viendra seul. La majorité des gens vont en enfer ou au paradis? Vont en enfer. La majorité des gens vont en enfer. Yom al-Qiyamah, Allah, tabaraka wa ta'ala, demandera à Adam, alayhi salatu wassalam, prends 1000, sors-en un des 1000. Un qui rentre au paradis. Les 999, une nar. La majorité des gens sont en enfer et non pas au paradis. Chacun prie dans son coin. Chacun prie dans son coin. Taïb. Donc la majorité des gens sont dans l'égarement et non pas dans la vérité. Ça, ça te sert de règle et de repère. C'est une question de manhaj. C'est une règle dans le manhaj, dans la manière de comprendre les choses. Chez Salaf al-Salih, chez les pieux prédécesseurs, chez Sahaba radiallahu ta'ala anhum, ils ne voyaient pas le nombre, mais ils voyaient la qualité. Dans la da'wah, lorsqu'on prêche, on ne cherche pas le nombre. On ne cherche pas à ramasser le plus de nombres possible, non. Ce qui compte, c'est la qualité. C'est est-ce que ce qui a été mis dans les cœurs est convenable? Est-ce que ces cœurs-là sont convenables? Ramener des gens et des gens et des gens et des gens, ça ne sert à rien. Si ces gens-là n'ont pas compris correctement, si les cœurs ne sont pas aptes à comprendre correctement, ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de bons fruits. Il y a un parmi les prophètes, lorsqu'il rassemblit son armée, il dit... Celui qui s'est marié mais qui n'a pas consommé le mariage avec sa femme, qu'il sorte de cette armée et qu'il retourne auprès de son épouse. Deuxième chose, celui qui a yani des bovins qui vont yani aller enceinte et elles vont avoir des petits, qu'il parte. Qu'il parte et qu'il retourne auprès de son troupeau pour s'en occuper. Celui qui a commencé une maison et qui n'a pas fini de construire le toit, qu'il sorte de cette armée. Pourquoi? Parce qu'il a cherché la qualité. Ces trois choses-là qu'il a nommées, ces trois choses qui peuvent waswas quelqu'un. Lui, il voulait des gens qui avaient une sincérité pure envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'allaient pas avoir une autre occupation. Al-ikhlas, une sincérité à 100%. Rien qui va leur trottiner dans la tête, comme on dit. Pas de waswas. Ouais, mais t'es là, tu t'es marié, t'as pas consommé le mariage, ton troupeau, il y en a qui attendent des petits dedans, t'as commencé ta maison, tu l'as pas fini, l'ouswous. Il a rien laissé à Shaitan. Chaque chose qui aurait pu les ouswous, il les a enlevés. Afin d'avoir des gens d'une sincérité pure, qui ne veulent que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus élevée, rien d'autre, pas un autre profit. Parce que ces trois genres de personnes, ils auraient pu dire, ben on y va vite fait, comme ça on revient. Pour finir ce qu'on n'a pas fini. Là. Donc ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre qui compte. Et ce n'est pas le nombre qui fait la force. Comme ce n'est pas aussi le nombre qui fait la vérité. Et la preuve, elle est tirée ici une fois de plus. C'est un texte en plus au sujet des frères de Yusuf, alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils ont mentionné « wa nahnu usbah », yani « jama'a ». Nous sommes un groupe. طيب. وقالوا إن أبانا لا في ضلال مبين. Et certes, notre père est dans un égarement évident. كيف يعقوب وفي ضلال مبين وهو النبي الله عز وجل. Comment peuvent-ils dire notre père est dans un égarement évident alors que يعقوب عليه الصلاة والسلام est l'un des prophètes d'Allah. بالمعنى على الخطأ. Il ne veut pas dire qu'il est égaré par rapport à ce qu'il croit. C'est pas ça. Ce qu'ils ont voulu dire, c'est qu'il est sur l'erreur par rapport à ce point-là. Et non pas qu'il est égaré par rapport à sa prophétie. Il faut bien comprendre ce verset. Il n'est pas égaré par rapport à sa prophétie. Il est égaré par rapport à ce point-là. Sur le fait qu'il préfère Youssouf par rapport à nous. Tayyib. Ensuite, ils ont mentionné en disant tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous et que vous soyez après cela des gens de bien. Shaytan, il aura rapporté cette idée. Ce n'est pas nouveau. À chaque prophète, Allah tabaraka wa ta'ala, chaque prophète qu'Allah azza wa jalla a envoyé, il y a eu des ennemis. Le premier d'entre eux, Iblis. Le premier d'entre eux, Iblis. Comme il y a eu des gens qui ont voulu tuer les prophètes, alayhi salatu wassalam. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète Yahya, alayhi salatu wassalam, qu'ils ont tué. Comme le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, qu'ils n'ont pas tué et qui n'est pas mort, mais qui est bien vivant et qui a été élevé. Lorsqu'ils sont venus pour le tuer, il s'est retourné à côté de, vers ses compagnons et il a bien demandé « Lequel d'entre vous veut prendre ma place ?» Et je lui promets le paradis. Puis un jeune s'est levé, il a dit « Moi. » Puis Allah Azza wa Jalla a fait ressembler ce jeune homme-là à Isa ibn Maryam, afin de les ruser. Allah tabaraka wa ta'ala les a rusés. Allah Azza wa Jalla est ruseur avec les rusés. Puis, ils ont cru tuer Isa ibn Maryam. Puis Isa fut élevé, vivant, et il n'est pas mort. Il fut élevé au ciel, et il redescendra vers la fin des temps par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il jugera avec le Coran, le livre qui est envoyé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne viendra pas avec l'Injil avec lequel il est venu, hein, car cela était pour sa communauté à lui. Or, nous ne sommes pas la communauté de Isa ibn Maryam, nous sommes la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi أفضل من هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. Voilà pourquoi Abu Bakr al-Siddiq reste le meilleur de cette communauté, même si Isa redescend. Car Isa, ce n'est pas sa communauté. La communauté de Isa ibn Maryam est avant celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il vient et leur donne cette mauvaise pensée, ou bien de tuer Youssouf, ou bien de l'éloigner. Loin de cela. Pourquoi? Ils se disent que Yaqub, alayhi salatu wassalam, maintenant que Youssouf n'est plus là, il va être plus attentif vers ses autres frères. Hein, son amour, hein, à partir du moment où Youssouf n'existe plus, cet amour-là, ou bien il va disparaître, ou bien il va diminuer, et ça y est, ils pourront avoir, comme tu veux, et ils pourront avoir l'amour, hein, que Youssouf a eu. Or, ces frères-là, ne sont pas au même rang que Youssouf, alayhi salatu wassalam. Hein? Et lorsqu'il a dit, « Yakhlu lakum wajhu abikum », votre père aura un visage afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous, c'est-à-dire que cette mahabba, hein, quand il a voulu dire le visage, c'est-à-dire que le visage de Yaqub, alayhi salatu salam, hein, il fera preuve de bienfaisance ou bien d'amour, d'un amour plus accentué envers vous. Qawman salihin. Puis il a mentionné, et que vous soyez après cela des gens de bien. يعني تتوبون إلى الله عز وجل وتستغفرونه من بعد ذنوبكم. C'est-à-dire que vous, après cela, vous allez vous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait ce que vous faites, vous allez vous repentir à Allah, une fois que vous verrez votre Père avec cet amour qui viendra vers vous, et vous lui demanderez pardon, vous lui demanderez pardon après vos péchés, et notamment ce péché qui est de s'être débarrassé de Yusuf alayhi salatu wassalam. والفرق بين التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار استغفار تسأل الله عز وجل تستغفر الله سبحانه وتعالى مثلا تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Ça c'est la demande du pardon. التوبة, le repentir, c'est من معصية الله عز وجل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. Il ne suffit pas de demander pardon. Il faut que tu reviennes sur ce péché. Il faut que tu reviennes sur ce péché. Que tu reviennes de la désobéissance à l'obéissance. En faisant quoi? En détestant ce que tu as fait. En regrettant ce que tu as fait. En délaissant sur le champ ce que tu as fait. Et en multipliant les bonnes actions après ton péché. Car cela effacera les péchés. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ. Puis l'un d'entre eux, parmi les frères de Yusuf, dit, ne tuez pas Yusuf, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. Qala qailun min ikhwati Yusuf. Qui a dit ça? C'est l'un des frères de Yusuf. La taqtulu Yusuf. Celui-ci, il a mentionné, ne tuez pas Yusuf. Ne tuez pas Yusuf. Pourquoi? Parce que le meurtre, c'est quelque chose de très très grave. Donc il a préféré quoi? Il a préféré qu'on éloigne Yusuf plutôt que de le tuer. Hein? Le fait de s'en débarrasser en l'éloignant et en l'abandonnant, c'est moins grave que de le tuer. Alors lui, il leur a dit, ne le tuez pas. Ensuite, il a mentionné, peut-être qu'une caravane, elle va venir le récupérer. Et comme on le verra, c'est ce qu'on va voir là, c'est ce qui s'est passé après. Celui qui a dit ça parmi ses frères, il est certes meilleur que ses autres frères qui avaient l'intention à la base de tuer Yusuf. Car lui, il a préféré éloigner Yusuf plutôt que de le tuer. Puis ils ont mentionné devant leur père, قَالُوا يَا أَبَانَا. Ils dirent, oh notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Yusuf? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. Ils dirent, certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Puis ils dirent à leur père, si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Taïb. Le fait que les frères de Yusuf demandent à leur père en leur disant, Yani, qu'est-ce que tu, comme c'est mentionné ici, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Yusuf? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaqub alayhi salatu wassalam ne laissait jamais Yusuf tout seul. Et pas avec ses frères. Parce qu'il savait qu'il y avait cette jalousie, comme on l'a vu au début de Surat Yusuf. Hein? Comme on l'a vu au début de Surat Yusuf, c'est que Yaqub alayhi salatu wassalam ne laissait pas Yusuf avec ses frères. Jamais. Il savait très bien que ça pouvait, hein, il y allait avoir un mal. Voilà le fait, donc le fait que les frères disent, qu'as-tu à ne pas laisser Youssouf avec nous, ça prouve bien qu'il ne, il ne le laissait pas. Il ne laissait pas Youssouf avec ses frères. Et cela prouve que Yaqub alayhi salatu wassalam avait peur de que ses frères portent atteinte à Youssouf, ce qui montre encore l'élévation de Youssouf alayhi salatu wassalam dans le cœur de son père. Yaqub alayhi salatu wassalam. Alors ils ont une idée en disant, envoie-le avec nous demain, yani, et comme ça il pourra jouer. Le fait qu'il joue, yal'ab, cela prouve qu'il était petit. Le fait qu'il joue, cela prouve qu'il était petit. Tayyib. On a aussi ici la preuve qu'il est permis de laisser les plus petits avec les plus grands, afin qu'ils s'amusent entre eux, tout en sachant que les plus grands ont la responsabilité de garder les plus petits. Et donc tu as la preuve ici aussi, dans l'éducation des enfants, c'est de donner une certaine responsabilité aux grands. De donner une responsabilité aux grands parmi les enfants, afin qu'ils surveillent leurs petits frères ou leurs petites sœurs, qu'ils en sont responsables. Et ça, c'est demandé dans l'islam, de donner des responsabilités aux enfants, hein, afin de les élever, leur donner une certaine valeur. Chouf Abu Bakr Sadiq, radiallahu ta'ala an, lorsqu'il est chez lui avec sa femme et ses enfants, et Aïcha, radiallahu anha, il reçoit l'ordre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire la hijra. Lorsque Abu Bakr Sadiq apprend ça, bien sûr, il demande au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de partir avec lui. Qui est informé? Tout Quraysh ont tout fait pour retrouver le prophète sallam et Abu Bakr Sadiq. Ils ont envoyé des armées, ils ont envoyé des guides, des chercheurs, tout. Or Abu Bakr ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam partent faire la hijara. Qui est informé? Les gens de la maison. Et parmi eux, des enfants. Les enfants de Abu Bakr. Jusqu'à ce que son fils Abdurrahman, il partait la nuit pour apporter des provisions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr. Un enfant, il marche dans les rues de Mecca, devant qui? Devant ceux qui veulent retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et le petit enfant, il se balade comme ça, dans les rues, et lui, il sait très bien où est-ce qu'il est son père. Regarde Aman, regarde le dépôt qu'il a laissé à son fils, alors que c'est un enfant. Il aurait pu trahir cet enfant. C'est un enfant. Quand tu prends un enfant, tu viens voir, il est où ton père? Ah, il est parti là-bas, il est Nia. Regarde le dépôt qu'il laisse à ses enfants. Cet enfant-là, il marche dans les rues, hein, devant tout le monde, devant les ennemis du prophète sallam et de Abu Bakr. Mais personne ne se dit, cet enfant, il sait où est-ce qu'il est. Regarde le dépôt qu'il a donné à ses enfants. Il leur a donné une responsabilité. Hein. Donc il est permis et il est demandé de donner des responsabilités aux plus grands parmi la famille par rapport aux plus petits. Bien sûr, de lui donner la responsabilité de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable de faire, de ne pas le surcharger. Et aussi afin qu'il y ait, lorsque tu vois le maslaha, lorsqu'il y a une maslaha, lorsqu'il y a un bien à le faire. Ici, Yaqub ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y a une mafsada à le faire. Il a peur que ses frères-là vont, hein, ils vont faire du mal à Youssouf, et c'est ce qui va se passer. Et la preuve qu'il était très jeune, c'est qu'est-ce qu'il a dit? وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. Hein, je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. À qui on ne fait pas attention en général? Est-ce que c'est le grand ou c'est le petit? C'est le petit, parce que le petit, tu ne le vois pas, il part, il va jouer, et hop, tu cherches, commence à chercher ton fils ou ta fille, parce qu'ils sont petits. Donc ça prouve bien qu'il était vraiment petit. Ça prouve bien qu'il était vraiment petit. Et le fait que le loup risque de le manger. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne selon le sens des versets, et lorsqu'il l'eut emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Et il vint à leur père le soir en pleurant. Et ils dirent, ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique, la tunique de Youssouf, alayhi salatu wasalam, tachée d'un faux sang. Et il dit, Youssouf, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. Et c'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Aïe. Là, ça y est. Du waswas, de l'idée, on est passé à quoi ? Min al waswas ila al amal. Min al waswas ila al amal. Là, dans ce récit-là, tu as quoi ? Tu as كيف الشيطان يوسوس الناس في صدور الناس من الجنة والناس على كل حال. Tu as la technique, comment le diable il va d'étape par étape. Première étape, lancer juste une idée. Le tuer. Juste le tuer. Tiens, les cœurs, ils ont du mal à accepter de le tuer. On va laisser un petit peu. Jetez-le dans un puits. Mais le but, il est toujours le même. C'est d'avoir la perte de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Tout le monde sait que lorsqu'on te jette dans un puits, hein, comme on dit, tu peux toujours attendre. Sauf si Allah azawajal t'a sauvegardé. Mais celui qui est jeté dans un puits, il a plus l'impression qu'il sera perdu que plutôt qu'il va être délivré. Cette fois-ci, on est passé à l'action. Ils ont pris leur petit frère et ils l'ont jeté dans le puits. Et ils l'ont jeté dans le puits. Puis ils retournent voir leur père. Et là, ils lui disent quoi ? Ce qui s'est passé. بالكذب والكذب يخالف الواقع. Qu'est-ce que le mensonge ? C'est lorsque tu racontes une chose qui contredit la vérité, qui n'est pas conforme à la vérité. C'est ça le mensonge. Quelqu'un qui ment, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui raconte une chose, cette chose-là ne s'est pas passée comme elle s'est passée véritablement. والكذب يدعو الى الفحشاء والفحشاء يدعو الى النار. Et le mensonge, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelle à la turpitude et la turpitude appelle à l'enfer. Donc la conséquence du mensonge, c'est quoi ? C'est l'enfer. Wal'iyadhu billah. Wa min al-kaba'ir. Si le mensonge finit en enfer, hein, on a déjà mentionné comment reconnaître un grand péché, c'est qu'il est accompagné d'un châtiment, ou bien dans cette dunya, ou bien dans l'au-delà. Ici, c'est un châtiment qui est l'enfer. Donc cela prouve que le mensonge est parmi les grands péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or le mensonge aujourd'hui est devenu banal, on ment. On ment comme on respire, comme on dit. C'est devenu normal de mentir. Il y a ceux qui mentent pas, mais il y a ceux qui rusent. Mais à force de ruser, il va tomber dans le mensonge, parce que ruser, c'est pas tout le temps non plus. Ruser, c'est dans un cas de nécessité. Mathalan, qui m'a dit le cheikh al-Azimi, rahmallah, il y a quelqu'un, tu ne veux pas le voir, c'est quelqu'un qui met la fitna quand on le voit. Cet homme-là, il est connu que quand on le voit, il met la fitna. C'est quelqu'un qui met toujours le désordre, qui fait des problèmes, qui n'est pas droit, qui parle mal, etc., etc. Cette personne-là, tu ne veux pas le voir. Et lui, il te dit, viens, viens, faut on se voit, quand est-ce qu'on mange ensemble, tout ça, tout ça. Ce genre de personnage, il faut l'esquiver. Mais il ne faut pas faire la fitna non plus, parce que il va faire une fitna encore plus grande, si tu le rejettes. Alors, je lui dis quoi, il dit, tu dis, radan, incha'Allah. Radan bin niya yom al-qiyam. Radan incha'Allah. Oui, demain incha'Allah. Mais avec quelle intention ? Demain bin ma'na yom al-qiyam. Le jour de la résurrection. C'est-à-dire, toi, incha'Allah, je ne te vois plus jamais. Pourquoi ? Min ahli fitna. C'est quelqu'un de la fitna. C'est quelqu'un qui fait des problèmes. C'est quelqu'un qui ramène des choubouhettes dans le cœur des gens. C'est quelqu'un qui ramène des doutes, des ambiguïtés. Qui ramène des problèmes, des meshakils. Partout où il va. Et parmi ce genre de personnes, il y a ceux qui passent leur temps à mentir. Ou tout simplement ceux qui répètent tout ce qu'ils entendent. Et ça, ça fait partie du mensonge. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit un homme qui répète tout ce qu'il entend pour qu'il soit menteur. Tous ces SMS qu'on reçoit, est-ce qu'ils sont vérifiés? Est-ce qu'il y a la source? Est-ce qu'il y a la signature? Tu viens, tu prends ton portable. Tiens, j'invente un hadith. Il invente le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ta, et il l'envoie. Il rajoute au bout Raoul Bukhari. Qu'est-ce qui l'empêche? Il y a quelque chose qui l'empêche de faire ça? Rapporté par l'imam Bukhari. Et il envoie ça. Et ça part de partout. Jusqu'à ce que tu le reçois. Les gens de la sunna, Ahlus sunnati wal jama'a, sont stricts avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est la parole du messager d'Allah. Il ne s'agit pas d'une parole de quelqu'un d'autre. C'est une parole sacrée. Ça veut dire que tu reçois, tiens, ça vient d'où? Est-ce que celui qui me l'a envoyé est digne de confiance? Est-ce que celui qui l'a envoyé à celui qui me l'a envoyé est digne de confiance? Est-ce que il y a une signature? On sait c'est qui? Est-ce qu'il y a un numéro dans le hadith, dans le Bukhari? Tiens, je vais chercher. Est-ce qu'il a été puisé en français ou est-ce qu'il est à sa source en arabe? Parce que ça change beaucoup de choses. Et on s'aperçoit malheureusement que des hadiths sont inventés, comme le hadith qu'on a lu il y a 3 semaines de ça. Ce nom hadith que quand tu le vois, tu dis « Ah, mashallah !» Le mensonge sur Allah, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'imam, sur Khalid ibn Walid, puisqu'il a dit, il a mentionné au début que c'était Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, et le mensonge sur l'imam Ahmed, puisqu'il avait dit à la fin, rapporté par l'imam Ahmed, alors qu'il ne l'a jamais rapporté. Des hadiths mensongers. Et les ulama disent que celui qui ramène un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, sans vérifier. S'il sait qu'il est sahih, il n'y a pas de problème. Mais sans vérifier. Lui, il ne peut pas savoir. Il se dit, je ne sais pas si il est sahih ou il est da'if. Mais il le ramène quand même. Il le sort comme ça. Il rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a mentionné, celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Il rentre dans le hadith. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce souci. Pour lui, il répète ce qu'il entend. Et répéter ce qu'on entend sans vérifier, c'est du mensonge. Vous devez de vérifier. قال الله سبحانه وتعالى إذ جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا. Lorsqu'un pervers vous rapporte une information, vérifiez-la avant de faire du mal aux gens. Vérifiez-la. وهذا خص على النساء. Et plus particulièrement aux sœurs ou dans les assises de sœurs. Et ce n'est pas nouveau. On parle beaucoup, on ramène beaucoup de choses, on raconte beaucoup de choses. Premièrement, est-ce qu'il y a une faïda à raconter ça? Est-ce qu'il y a un bienfait? Vous trouvez dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radhiallahu anha, qui était avec 10 autres sahabiyettes, ou bien 11 autres. Et chacune a raconté quelque chose sur son mari. Sauf 2. Il y en a une, elle a dit, il est très avare, il ne me donne rien du tout. L'autre, elle a dit, il n'est pas assez affectueux envers moi. Le kada, ou kada, ou kada. Chacune, elle a dit quelque chose sur son mari, une critique sur son mari. Sauf 2 femmes. Une qui est Aïcha, radiallahu anha, elle ne peut rien dire. Son mari, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme parfait, c'est un mari parfait. Il est le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre, qui elle, n'a dit que du bien de son mari qui l'avait divorcé. Elle n'a dit que du bien. Mais toutes ces informations dans nos assises, hein, et plus particulièrement chez les sœurs où tu trouves beaucoup d'informations qui circulent, tiens, t'es pas au courant, ça, ça, si, ça, ça, tiens, t'es pas au courant, hein, t'as, t'as. Et dans la 80% de ce qui est dit, ce sont des mauvaises nouvelles. Or, les mauvaises nouvelles, on fait tout pour ne pas les annoncer. Et si on doit les annoncer, on s'arrange du meilleur moyen pour pouvoir les annoncer. Donc chacun doit faire attention et vérifier son information. Comment l'information lui parvient et est-ce qu'elle est véridique ou pas. طيب. وقال يعقوب عليه الصلاة والسلام فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعقوب عليه الصلاة والسلام والنبي الله عز وجل regarde comment il accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas venu lui annoncer une petite nouvelle. On lui a annoncé une très grande mauvaise nouvelle. On vient de lui dire quoi? Ton fils, avec tout l'amour qu'il lui porte, sachant qu'il est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on vient lui annoncer? Ton fils a été dévoré par un loup. Sachant qu'à la base, il ne voulait pas le laisser partir. Est-ce que Yaqub, il a dit, je savais, j'aurais pas dû le laisser partir? Est-ce qu'il a dit, si. Si ceci, si cela, ça ne serait pas passé comme ça. Si j'avais fait ça, ça ne serait pas passé comme ça. Si, ceci-là, il a interdit. Le si des regrets. Qaddarallahu ma sha'a fa'ala. Allah a fait ce qu'il a décrété. Il n'y a pas le si des regrets. Allah a fait ce qu'il a décrété. Qu'est-ce que Yaqub alayhissalam dit? Fasabrun jamil. Une belle patience. Pourquoi? Ça c'est adab al-anbiya wa sahaba radhiyallahu anhum ma'a Allah azza wa jal. Lorsqu'ils sont touchés bil ibtila, par un problème ou par une épreuve, ils ne se lamentent pas. Qu'est-ce qu'ils voient dans cette épreuve, dans cette ibtila? Parce qu'il faut savoir une chose. L'épreuve, lorsque tu es touché par celle-ci, ou bien elle est une purification de tes péchés, ou bien elle est là pour t'élever en degré. Voilà les deux choses. Hein? On ne peut pas dire oui, mais à chaque fois que tu as une épreuve, ça veut dire que tu commets des péchés. Ça veut dire que le prophète, avec les grandes épreuves qu'il a eues, il aurait commis des grands péchés? Non. C'est fait pour élever en degré. Ça, c'est lorsque la personne est pieuse et elle est touchée par l'ibtila, par une épreuve. Or, la personne qui commet des péchés lorsqu'il lui arrive un problème, c'est pour le purifier de ses péchés. Il y a cette notion. C'est différent. Donc toi, chacun se connaît. Nefsi, nefsi. Lorsque tu sais que tu commets des péchés et qu'Allah t'a touché par un mal, sache que c'est la conséquence de ce qu'ont fait tes propres mains. Tu es touché par ce péché, par cette ibtila, par cette épreuve, parce que tu commets des péchés. Alors que l'autre, si quelqu'un, alhamdoulilah, il est dans l'obéissance d'Allah, il ne commet pas des grands péchés, il fait ce qu'il peut pour adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, à la sunnah, et il est touché par une grande épreuve, sache, ya akhi, c'est pour t'élever en degré. C'est pour t'élever en degré. Ça, les prophètes, alim salatu wassalam, lorsqu'ils sont touchés par l'épreuve, comme ici le cas de Yaqub, alayhi salatu wassalam, sabrun jamil. Une belle patience, endurance. Ça veut dire quoi? Pour eux, c'est l'occasion de quoi? D'avoir des hasanettes en plus. Pour eux, c'est l'occasion de patienter. Qui dit patienter, dit une récompense sans limite. Parce que c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis à celui qui patiente. Celui qui patiente, il a une récompense sans limite. Oui, vous voyez, ziyadatul hasanat. Or, pour certaines personnes qui sont plus faibles dans la foi, quand l'ibtila le touche, quand le problème le touche, quand l'épreuve le touche, c'est quoi? Ziyadatu as-sayyi'at. Il est découragé. Wa minan nas man ya'budu Allah ala harf. Il y a des gens qui adorent Allah sur une lettre, c'est-à-dire sur rien. Dès qu'ils sont touchés par une épreuve, ils délaissent toute leur religion. Toute leur religion, toute la sunna qu'ils avaient aussi bien sur eux, ou leur croyance qu'ils avaient, tout part. Jusqu'à ce qu'ils finissent dans le kufr, wali'adu billah. Ou fil fasad, ou fil kaba'ir, ou bien dans les grands péchés, ou dans le fasad, ou autre chose. Alors que l'épreuve, celui qui est muwahid, qui est un muwahid, qui adore Allah tabaraka wa ta'ala, wahdahu la sharika la, wa ala sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bifam salaf salih, celui-ci, bi'idhnillahi ta'ala, normalement, l'ibtila, l'épreuve, que ce soit la perte de quelqu'un, la perte des biens, la perte de quoi que ce soit, ou bien même une tristesse ou quelque chose, elle est là pour l'élever en degré. Il le prend comme une occasion de pouvoir patienter et de se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le vois bien lorsque tu es dans les épreuves, lorsque tu fais tes doigts, tu es beaucoup plus sincère dans l'épreuve qu'en dehors de l'épreuve. Tu as beaucoup moins de mal à te concentrer lorsque tu es dans l'épreuve que quand tu n'es pas dans l'épreuve. Pourquoi? Est-ce que la sincérité, elle augmente à ce moment-là? Tu as besoin d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ce moment de difficulté. Alors tu fais encore plus d'efforts. Donc, ziyadatul ikhlas. Ça, c'est le fruit chez, dans le cœur des prophètes et des messagers. Wa qala Yaqub alayhi salatu wassalam, Wallah al-musta'an. Al-musta'an, Wallah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vient au secours. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu al-ibadah. C'est toi seul que nous adorons. Mais Allah Azza wa Jalla a dit « وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ الْإِسْتِعَانَ لَا يُمْكِنَ الْعِبَادَ بِدُونِ الْإِسْتِعَانَ لَا يُمْكِنَ » Il t'est impossible d'adorer Allah. Il t'est impossible de te rapprocher d'Allah. Il t'est impossible de délaisser les péchés d'Allah subhanahu wa ta'ala que en cherchant le secours auprès d'Allah. Que en cherchant le secours auprès d'Allah. « إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ » ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. Sans cette puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans cette force d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourrais commettre les bonnes actions. ولا قوة. Sans cette force d'Allah, tu ne pourrais t'éloigner des péchés. إلا بالله. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc regarde le degré de foi. كان سالما من السخط والتشكي ولا إلى الخلق ولا إلى الخالق. Le prophète Yaqub عليه الصلاة والسلام ici est dénué سالما السلامة والسكينة. Il est dénué de quoi? D'énervement ou de rage envers aussi bien la créature d'Allah qui sont ici les frères de Yaqub qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. وأقسام الناس أربعة في الابتلاء. Lorsque les gens sont touchés par une épreuve, les gens se divisent en quatre. Il y a ceux qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala, qui insultent le qadar, le destin. وليعذ بالله. أشد من الناس. Ce sont les pires des gens. Eux, ils prennent des péchés. Il y a celui qui a une gêne dans le cœur. ولا يقول شيئا. Mais il ne dit rien. Ça ne sort pas par sa bouche. Il a une gêne dans le cœur parce qu'il a été touché, mais il ne dit rien. La baisse. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il y a celui qui remercie. Yashkur Allah Azza wa Jal. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour l'épreuve par laquelle il a été touché. Parce qu'il y voit là-dedans un grand bien. Et il sait très bien que si la chose l'a touché, ce n'est que par la permission d'Allah. Et si la chose doit partir, ce sera... من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى fera partir cette chose là. والأول وهو أفضل منهم. Le premier est le meilleur d'entre eux. Non seulement lui le remercie, mais en plus il est satisfait de cette épreuve. يرضى. Il est satisfait de cette épreuve. C'est-à-dire l'épreuve, qu'elle l'ait touchée ou qu'elle l'ait pas touchée, ça n'a rien changé dans son cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. هم الأنبياء والرسول والعلماء والصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح. أيوب عليه الصلاة والسلام. On lui a dit ça y est, maintenant demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ayoub c'est un prophète qu'Allah عز وجل lui a tout donné, beaucoup de richesses. Et à un moment on lui a fait croire ça y est, demande maintenant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te délivre. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé, il lui a tout enlevé. Jusqu'à même sa femme, elle allait couper ses cheveux pour les vendre. Et on lui a fait comprendre, yani demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, t'as eu sabr, ça y est, t'as été patient. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Wallahi, par Allah, j'ai vécu 70 années de richesse venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'aisance. Tant que j'aurais pas fait 70 années dans l'épreuve, je ne demanderai rien du tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur ne change pas. Est-ce qu'une épreuve ou un problème, c'est une preuve pour délaisser l'ibadah? Non. Ça n'a jamais été une cause pour délaisser l'adoration. Pour certains, c'est une cause. Mais ce n'est pas une chose qui légifère le fait de délaisser l'adoration. Tiens, ben moi je commets telle faute, il m'arrive ça, moi je m'en sors plus, moi j'arrête. Wallahi, tu arrêtes, tu vas rien rapporter de mal à Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu vas rien rapporter de bien si tu n'arrêtes pas. Allah azza wa jalla se passe de toi et de ton adoration. S'il t'a créé, il t'a demandé de l'adorer, wallah, tout le bien il est pour toi. C'est que pour toi en vérité. Ici, Yaqub alayhi salatu wa salam, yashkur Allah tabaraka wa ta'ala, ويرضى بقدر الله عز وجل. Il est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Donc ensuite, nous avons Allah Tabaraka a mentionné or 21 caravanes et ils envoyèrent leur chercher d'eau. Ils envoyèrent leurs chercheurs d'eau. Hein, dans des caravanes, il y a toujours chacun une fonction. Il y en a un qui doit aller chercher l'eau. Lui, on lui a dit, va chercher de l'eau. Il fit descendre son eau et il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon. Pourquoi bonne nouvelle, voilà un garçon? Parce que les caravaniers, ils vendent. Et ils vendent des esclaves. Or, ils considèrent que cet enfant-là, il sera, hein, étant donné qu'il est petit, on va pouvoir le vendre, pas à un grand prix, mais on va pouvoir le vendre. Et ça pourra nous rapporter un certain butin avec lequel on pourra acheter de la marchandise. Voilà pourquoi il a dit, bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah, cependant, savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams comptés, et ils le considéraient comme indésirable. Pourquoi? Parce que c'est un petit garçon. Comme on a dit, on a prouvé avec les textes que c'était un petit garçon qui jouait. Or, ce petit garçon, il n'a pas le quwwa. Il n'a pas la force. Hein? Il n'a pas de force. Il n'est pas comme un esclave robuste et fort que quelqu'un aurait donné beaucoup d'argent pour l'avoir celui-là. Parce que celui-là, il peut nous servir, il est costaud. On peut faire beaucoup de choses avec lui. Or, celui-là, non. Celui-là, c'est un petit garçon fébrile, fragile. On ne va pas avoir grand-chose. Alors, ils l'ont vendu. Taïb. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Et il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité, il se peut qu'il nous soit utile, ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Youssouf dans le pays, et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah subhanahu wa ta'ala est souverain de son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Il a été vendu à un homme, Wawa Aziz, c'était quelqu'un de haut placé en pays d'Égypte. Cela rappelle l'histoire de Youssouf, de Moussa alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas la première fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait grandir l'un de ses prophètes parmi des gens qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fut le cas de Moussa alayhi salatu wassalam, qui grandit entre les mains de son ennemi, subhanallah. Il a fait tuer tous les premiers-nés d'Égypte, croyant qu'il pourrait atteindre Moussa, des petits. Il a été cherché partout, sauf chez lui. Partout. Dans tout l'Égypte, tuer tous les premiers-nés. C'est obligé, on va l'avoir. Eh ben non, ce premier-né, il est chez toi. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. Allah Azza wa Jal wa ala kulli shayin qadir. Quand on dit qu'Allah Azza wa Jal est ruseur avec les rusés. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala décrète une chose, Wallahi, il ne t'arrivera que ce qu'Allah t'a décrété. Ici, Youssouf, alayhi salatu wassalam, il tombe entre les mains d'un grand vizir, quelqu'un de haut placé en pays d'Égypte. Il voulait en faire deux choix, ou bien le garder et en faire un esclave qui allait travailler, ou bien tout simplement l'adopter, car il n'avait pas encore d'enfant avec son épouse. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ولنعلمه من تأويل الأحاديث. Nous allons et nous lui avions appris quoi? نعلمه يعني l'interprétation des rêves. Ça c'est une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a décrété à ce moment-là de lui apprendre l'interprétation des rêves. C'est ce qu'avait prédit Yaqub alayhi salatu wassalam. Hein, vous vous souvenez lorsque Youssouf est venu avec le rêve des 11 étoiles et de la lune et du soleil qui se prosternent devant lui, Yaqub lui a dit, ton Seigneur t'apprendra l'interprétation des rêves. Wawa alimun hakim. On avait vu qu'Allah Azza wa Jalla avait mentionné ces deux noms-là après. Wawa alimun hakim. Alim, parce qu'il a la science, il va donner cette science des rêves à Youssouf alayhi salatu wassalam. Wa hakim, Allah Azza wa Jalla est juste, il sait quand donner cette science à Youssouf alayhi salatu wassalam. Or ici, Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné que ça y est, il allait lui donner l'interprétation des rêves. On dit qu'il avait à ce moment-là l'âge de recevoir ce genre de révélation. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les prophètes, selon le Qul ibn Abbas, radallahu anhuma, qui mentionne que les prophètes et les messagers recevaient à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans. Pourquoi ? 40 ans, c'est la maturité complète d'un homme. Un homme, ça y est, il est complet à l'âge de 40 ans. Il est apte à pouvoir recevoir la révélation. Hein ? Le fait que les prophètes ont reçu la révélation à l'âge de 40 ans, cela montrait leur maturité parfaite, complète, qui est l'âge de 40 ans. وَرَجُلٌ كَانْ Un homme, il est complet, il est parfait à l'âge de 40 ans. Entre 15 et 30 ans, c'est un jeune homme. Hein? Avant 15 ans, Al-Roulem, c'est un enfant. Entre 15 et 30 ans, c'est un jeune homme. Après 30 ans, entre-temps, 40 ans, jusqu'après, c'est un homme. Mais à 40 ans, il devient un homme complet, parfait. Il mentionne comment méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, regardez la lune. La lune, elle commence par un petit croissant tout faible. Puis cette croissance s'agrandit jusqu'à ce qu'il devienne une demi-lune, puis une lune complète, puis trois quarts de lune, demi-lune, un quart de lune, un petit croissant. Hein? Commence petit, elle est parfaite, complète, puis elle retombe petite, un petit croissant de lune. Kadalik al-insan. Al-insan, l'homme, il est petit, il est un fœtus, un bébé. Il naît, il est un bébé, dénué de tout. Puis il grandit jusqu'à arriver à l'âge de 40 ans où il est au summum. Hein, il est un homme complet, puis ensuite, il vieillit, jusqu'à redevenir ba'if. Voilà comment méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Mais la majorité des gens ne savent pas. Ne savent pas quoi ? Les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne savent pas la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal lui-même témoigne que les gens ne réfléchissent pas. Les gens ne méditent pas. Comment aujourd'hui, certains en sont arrivés à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Tout le monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Il réfute bilisanihi. Lakin biqalbihi wa ya'laman Allah azza wa jal huwa khaliquhu. Il réfute par la langue, mais dans son cœur, il sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son créateur. Tout est fait pour que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, parmi eux, des gens sont intelligents. Mais ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu es quelqu'un de bien. Il y a une différence entre quelqu'un qui le raisonnement et l'intelligence. Lorsqu'on demande à un bédouin comment tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, lorsque je vois les crottes d'un chameau, cela me prouve qu'un chameau est passé. Lorsque je vois les pas d'un homme sur le sable, cela me prouve bien qu'un homme est passé. Lorsque je regarde les cieux et la terre, cela me prouve bien qu'il y a un créateur qui a créé ces cieux et la terre. Ce sont des traces. Lui, c'est un bédouin. Les bédouins, ils sont connus pour pas avoir de science, pour pas être sociables. Tu le retrouves dans des hadiths. Hein, quand il vient, il prend le prophète par le col comme ça. Ou bien il crie « Ya Muhammad !» alors qu'il s'adresse au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de sociabilité, c'est des gens, voilà. Ils sont habitués à vivre avec des bêtes, des chameaux et compagnie. Il n'y a pas de politesse, l'autre il rentre et il urine dans la mosquée. Mais celui-là, quand il raisonne comme il faut. Alors que quelqu'un qui est intelligent trouve le kuffar qui sont intelligents, wa yakfur billahi azza wa jal. Mais il m'y croit en Allah subhanahu wa ta'ala. En toi-même, juste si tu te regardes toi-même, tu vois bien que. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans sa création. Seul un créateur aurait pu faire une chose pareille. Ils essayent de faire un œil, ils essayent de faire ceci, cela. Ils n'y arrivent pas. Tu ne peux pas te mettre à la place de ton créateur. Subhanahu wa ta'ala. Pour le croyant, les signes sont évidents. Rien que le Coran est le plus grand des signes. Mais pour le non-croyant, il y a d'autres signes. Qu'il regarde la création. Qu'il regarde lui-même comment il est créé. qui regarde comment Allah Azza wa Jalla a créé toutes choses. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a mentionné dans son Coran, selon le sens des versets, et parcourir la terre pendant 4 mois, et regardez comment Allah a créé, regardez la création d'Allah, et vous ne réduirez en rien la puissance d'Allah. Abdullah ibn Abbas il dit, ce verset-là, il s'adresse aux kuffar, les mushrikin. Après avoir vu la création d'Allah, al-tuhid al-rububiyyah, il va en découler al-tuhid al-uluhiyyah. Tuhid al-rububiyyah, c'est quoi? Si tu vois qu'Allah Azza wa Jalla, il est le créateur, comment il a créé telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, de ça en découle quoi? Seul celui qui a créé ces choses-là, qui est roi dans son royaume, qui est parfait, mérite d'être adoré, et non pas un autre. Comme cet homme-là sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, هذا الرجل أمّةٌ يوم القيامة. Il est une umma à lui tout seul يوم القيامة. وحده. À lui tout seul. Pourquoi? Parce que le prophète n'est même pas encore arrivé avec la risala, que lui il a cru qu'il fallait adorer Allah sans rien lui associer. Et lorsqu'il est venu, il leur a dit quoi à Quraysh? Allah il fait tomber la pluie. De cette pluie-là, il en fait pousser la végétation. Cette brebis, elle mange de cette végétation, elle vous donne du lait, et vous trouvez le moyen de l'égorger pour un autre qu'Allah. كيف يفكر هذا الإنسان بالتوحيد الربوبية بربوبية الله عز وجل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين